Bonjour à celles que je n'ai pas pu voir ce matin. Voilà le thème de ce matin. C'est, enfin, le titre original c'est, que j'avais mis, c'est « Et si Dieu se prouvait aussi sous forme de question ?» parce que j'aime bien être un peu dans la provocation, dans la bonne provocation, c'est-à-dire provoquer notre foi. Et on raconte, le monde est un peu comme un homme qui se réveille un matin dans un train. Il ne sait pas où il est dans un train, il ne sait pas où ce train va, et alors il se promène dans les wagons, et puis il interroge les voyageurs, il leur dit « Vous savez où on va ?» Et là, tout le monde dit « Mais non, on ne sait pas où on va. » Mais ça le rassure pas, c'est assez hallucinant, c'est un peu la quatrième dimension, il court partout dans le train, et personne n'est capable de lui dire où on va. Et le monde dans lequel on est, il est un peu comme ce train qui file à toute vitesse. Tout le monde est d'accord pour voyager, mais personne ne sait où on part finalement et où ça va finir. Et aujourd'hui, on vient ici parce qu'on est intéressé par l'idée de Dieu, mais je crois que ce message s'adresse à tout le monde. Il s'adresse à ceux qui cherchent Dieu, à ceux qui ne le connaissent pas, puis il s'adresse aussi à ceux qui ont déjà commencé à connaître Dieu ou peut-être le connaissent très bien, mais ont besoin de aussi peut-être d'arguments quand ils parlent avec des personnes qui ne connaissent pas Dieu, et ça peut répondre à plein de besoins. Alors, qui croire? Quelle est la bonne religion? Quelle est la bonne croyance? Est-ce que le hasard a tout fait? Ça, c'est des questions qu'on entend souvent et qui sont récurrentes. On a besoin d'une réponse parce que sinon la vie devient insupportable si on ne sait pas pourquoi on vit, si c'est pour finir dans un trou, si plus rien n'a de sens, c'est terrible. Et pendant longtemps, il y a eu une confrontation entre la science et la religion. Notamment au XIXe siècle, il y a eu la théorie de Darwin. Et alors, au départ, Darwin, il a trouvé cette théorie de l'évolution parce qu'il a trouvé qu'il y avait des changements, des mutations, etc. chez les animaux. Mais il n'était pas un croyant du tout. Moi, le livre qu'il a écrit sur la théorie de l'évolution des espèces, il parle de Dieu. Il n'était pas un croyant. Et en fait, on a saisi aussi cette théorie pour dire, ouais, voilà, le monde s'est fait tout seul, il y a eu une évolution. Et on a voulu mettre Dieu à la porte au XIXe siècle. Or, aujourd'hui, on est au XXIe siècle et l'idée d'un Dieu revient comme un boomerang dans la tête de tous ceux qui ont voulu la mettre dehors. Pourquoi ? Parce que la science, elle évolue tellement qu'en fait, on se rend compte que ça devient improbable, mais très, très, très improbable que le monde se soit fait tout seul. C'est même pas improbable, c'est impossible. Et alors, bien sûr, comme on vit dans un monde où la vérité n'est pas encore répandue, eh ben, on essaye de faire taire tout ça. Et il y a une apparente contradiction parfois entre la connaissance et les écrits bibliques, mais ça, c'est parce qu'on connaît mal la Bible et parce qu'aussi la science, elle a encore besoin de grandir. Alors, la Bible, elle avait prédit une explosion de la connaissance il y a plus de 3600 ans, d'une part, et aussi, il y a 2000 ans, que la foi du plus grand nombre se refroidirait, c'est-à-dire le fait de croire en un Dieu, tout ça, ça s'éloignerait. Mais aussi, la Bible a prédit que face à cette accentuation phénoménale de la connaissance, l'homme vivrait une période de questionnement et aussi de retour très fort à la foi. Ça aussi, ça a été prédit par Jésus. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes et de femmes vont redécouvrir une foi dynamique et réfléchie dans un Dieu créateur. Alors, je ne suis pas une grande scientifique, mais je veux juste parler de ce que je sais et ce dont je suis sûre. Je vais vous parler de la Bible déjà. Pourquoi est-ce que la Bible, c'est un livre pas comme les autres? D'abord, c'est pas qu'un livre, c'est 66 livres qui sont mis tous ensemble. La Bible, alors je ne sais pas si on peut passer au PowerPoint suivant, voilà. Plusieurs principes, elle est parfaite, il y a une perfection dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il y a 40 personnes qui se sont succédées pour l'écrire pendant 1600 ans. Je ne sais pas si vous voyez, 40 personnes qui écrivent pendant 1600 ans, donc ça commence, on va dire, l'an 0 de la Bible, et ça finit en l'an 1600 de la Bible. Pendant toutes ces années-là, 16 siècles, il n'y a pas une personne qui a écrit la Bible qui dit le contraire de quelqu'un d'autre. n'y a aucune contradiction. S'il y en a qui vous disent « oui, il y a des contradictions dans la Bible », c'est parce qu'ils l'ont lu en travers, mais parce qu'ils ne l'ont pas comprise. Il n'y a pas de contradiction. Ensuite, elle a une perception extraordinaire de l'état de cœur réel de l'homme. La Bible, ce n'est pas un livre de psychologie, mais il y a de la psychologie dedans. La Bible, ce n'est pas un livre de médecine, mais il y a des principes de médecine extraordinaires qu'on a découvert bien tard, nous, mais qui étaient déjà dans la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre de science, mais ça parle de science, etc. La Bible, elle a aussi des préfigurations, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on voit Jésus de façon très, très forte, et il est arrivé seulement plusieurs siècles après. Il y a des promesses extraordinaires, il y a une profondeur, il y a une précision. Elle a été préservée aussi. C'est-à-dire que même les plus grands détracteurs de la Bible, ceux qui croient que ça a été écrit par des hommes, que ça ne vaut rien, etc., savent très bien que déjà au moins 200 ans avant Jésus-Christ, on sait qu'elle était telle qu'on l'a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a été préservée, elle n'a pas été transformée au fur et à mesure des siècles par des gens qui l'ont recopiée, qui ont rajouté des petites choses, des fantaisies, etc. Elle a été préservée. La Bible, c'est Jésus, c'est la personne de Jésus. La Bible, elle est puissante. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des millions de personnes qui disent qu'ils sont transformés par la puissance qu'ils ont trouvée dans la Bible. Et ça, c'est du concret. Il y a des gens qui étaient en prison, qui sont sortis de prison. Il y a des violeurs qui ont été guéris. Il y a des drogués, il y a des trafiquants. Et puis, il y a des gens honnêtes, des gens qui n'ont rien fait peut-être de terrible, mais qui sont tout simplement des pécheurs et qui sont transformés par la Bible. Et puis la Bible, c'est aussi des prophéties. C'est une série beaucoup de prophéties dans lesquelles Dieu parle et il annonce ce qui va se passer. Et je voudrais juste retenir deux points, parce qu'on ne peut pas parler de tout, et puis je ne suis pas qualifiée du tout pour parler de tout, mais je voudrais parler des prophéties qui sont dans la Bible, et je voudrais parler du côté science qu'on trouve dans la Bible. Ces deux points-là que je voudrais développer avec vous ce matin, et si après vous êtes intéressés, parce que j'y ai pensé seulement ce matin, mais je pourrais vous donner des versets, etc., pour que vous puissiez méditer chez vous, parce que je ne peux pas tout sortir ce matin, sinon ça va durer 3 heures, et Greg va me faire les gros yeux, et va me dire « on a faim !» Donc, mais si vous voulez plus de concret, je vous prépare un petit papier pour la prochaine fois, et puis vous l'aurez. Voilà. Alors, 1, les prophéties de la Bible. La foi de la Bible, c'est la seule religion, on va dire religion, hein, pour que, dire des mots que les gens peuvent comprendre, qui se réclame son authenticité sur la base de prophéties qui sont accomplies. C'est-à-dire que dans toutes les autres religions, vous n'avez pas cette dimension prophétique, où on annonce des choses qui vont arriver, et aujourd'hui, on pense que sur 737 prophéties on les a comptées, hein, c'est pas moi qui les ai comptées, il y en a qui les ont comptées à ma place, 737 prophéties qu'il y a dans la Bible, il y en a 600 qui sont déjà accomplies. Je vais vous donner, je ne suis pas une mathématicienne accomplie, mais ça je peux le comprendre, et vous aussi. Des mathématiciens ont calculé la probabilité pour que 16, seulement 16 prophéties dites au hasard s'accomplissent dans la réalité. C'est une probabilité de 1 sur 10 suivie de 45 zéros. Donc on ne peut même pas dire le nombre. Or, on estime qu'au-delà de 1 sur 10 suivie de 40 zéros, 5 de moins, c'est impossible. Juste pour 16 prophéties. Donc vous imaginez pour 600. Bon. Voilà. Donc des prophéties sur des individus très précis comme Josias, Cyrus, Alexandre le Grand, Antiochus, Épiphane, Jean-Baptiste et surtout Jésus. Des prophéties sur des villes comme Tyr, Jéricho, Ninive, Jérusalem. Et des prophéties sur des nations comme Édom. Édom, pour comprendre dans la Bible, c'est nous, hein, c'est les peuples d'Europe. Babylone, les Mèdes, les Perses, les Grecs, les Romains, les Égyptiens et sur Israël. Tout ça, c'est des prophéties qui sont marquées dans la Bible et on sait que c'est arrivé. Alors, quelques exemples. Par exemple, la Bible a prophétisé l'aviation et a dit, Ésaïe, au chapitre 60, verset 8, a dit « Qui sont ceux-là qui reviennent volant comme sur un nuage ou sur des colombes qui regagnent leur colombier. » Ce verset, il est donné dans le contexte du retour des enfants d'Israël dans leur pays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des avions qui atterrissent toutes les semaines et qui ramènent des Juifs en Israël. Et ça, c'était marqué le prophète Ésaïe, c'était il y a 2800 ans. Bon, on savait qu'un jour, Israël retournait dans son pays. La télévision et Internet. Alors, dans l'Apocalypse, il est question d'une bête qui combat Dieu et dont l'image est animée et que la terre entière peut voir. Des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute langue et de toute nation regarderont leurs cadavres. Alors, il est question de trois témoins qui ont été tués à cause de leur foi. Regarderont leurs cadavres pendant 3 jours et demi et s'opposeront à leur ensevelissement. Et au XIXe siècle, il y avait un rationaliste qui détestait la Bible, qui voulait la démonter, qui faisait des conférences en Suisse et qui disait partout la Bible raconte n'importe quoi parce qu'elle dit qu'un jour, il y a des hommes qui vont mourir et que toute la terre entière pourra les voir. C'est n'importe quoi, il faudrait avoir de longs yeux. Ben voilà, aujourd'hui, nous, les longs yeux, on les a. Et on a tous des écrans chez nous. Il n'y a pas que la télé, il y a Internet, il y a tout ça. On a les smartphones, enfin bref, des écrans, on en a dans tous les coins. Et on peut voir, vous rappelez tous, enfin peut-être pas tous, mais les plus jeunes peut-être pas. Mais le 11 septembre, on se rappelle très bien de ce qui s'est passé. Et tout le monde a vu, la terre entière a vu un événement qui se passait à un endroit. Ensuite, la pollution et le dérèglement climatique. Alors, Apocalypse, chapitre 8, verset 11. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer, comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Il est question, ce n'est pas le seul verset, mais il est question de pollution, il est question de la terre qui est atteinte, de la nature qui souffre, etc. Et ça, la Bible l'avait dit depuis longtemps. Alors, quelques prophéties bibliques sur des événements qui se sont accomplis. Dans Genèse, donc le tout début de la Bible, il est question d'Israël qui deviendrait une grande nation, des enfants d'Abraham qui deviendraient une grande nation. Aujourd'hui, le peuple juif, il n'y a pas que Israël, parce qu'il y a des juifs en dehors d'Israël, mais ça compte quelques millions de personnes, je ne sais pas combien exactement ils sont. Par rapport aux milliards d'êtres humains, c'est peu, c'est une petite poignée. Or, on sait très bien qu'ils sont souvent... C'est un peuple extraordinaire parce qu'ils ont eu beaucoup de scientifiques, beaucoup de prix Nobel, beaucoup de gens qui sont dans le cinéma, dans les arts, etc. Et ils ont, par rapport à leur population, ils ont un nombre incroyable de gens qui sont mis en avant ou qui ont fait des découvertes. Donc c'est un peuple vraiment qui est quand même à la tête. Je ne dis pas que c'est un peuple qui est parfait et qu'on sait qu'ils ont pas le Messie, etc. Mais c'est un peuple extraordinaire avec une bénédiction extraordinaire. Des rois sortiront de la tribu de Juda. Donc, le plus grand roi, c'est Jésus, mais c'est un arrière-petit-fils de Juda. Israël passera 70 ans de captivité à Babylone. C'est Jérémie qui l'a dit, et Daniel, tous les deux, et c'est arrivé bien après. Ils seront dispersés parmi les nations. Aujourd'hui, l'État d'Israël est revenu depuis 1948, je crois, mais jusqu'en 1948, tous les Juifs du monde étaient dispersés parmi toutes les nations. Et aujourd'hui, il y en a encore qui sont parmi les nations, mais beaucoup sont revenus. Ils seront persécutés par les nations. Israël gardera son identité. Jérusalem et le Temple seront complètement détruits. Ça, c'est Jésus qui l'a annoncé au moment où le Temple... avait des grosses pierres, il était bien là. Et alors là, ça a même choqué, il a dit « Comment ça, le temple va être détruit ?» Et c'est arrivé quelques décennies après, les Romains ont détruit le temple et ils ont mis fin au royaume d'Israël, c'est-à-dire que tous les Juifs ont été dispersés. Les Juifs retourneront en Palestine avant le retour du Messie. Ça, c'est une promesse tellement évidente que les Juifs qui connaissent la Bible ont toujours su qu'ils reviendraient un jour dans leur pays. Et tous les ans, ils se saluaient en se souhaitant la nouvelle année, et ils disaient l'an prochain à Jérusalem. Ils se disaient l'an prochain à Jérusalem. Et lorsque la Shoah est arrivée, etc., on sait qu'après, c'est arrivé concrètement, mais c'était prophétisé depuis longtemps. Et tous les chrétiens, quand ils ont vu ce qui s'est passé en Israël, ils se sont dit « Ah, là, il se passe quelque chose d'important. » Donc, la Bible, c'est la parole du Dieu vivant et vrai. Si toutes ces prophéties se sont accomplies aussi précisément, on peut faire confiance pour les quelques-unes qui ne sont pas encore accomplies. Hein. Ça, je pense que c'est... En fait, je crois que Dieu a mis un sceau sur sa parole en disant, pour ceux qui ne voudraient pas croire, Ça, c'est ma signature d'authenticité. Vous savez, des fois, quand on fait des bijoux, on met un poinçon sur le bijou pour dire que c'est de l'or ou de l'argent, etc. Dieu aussi, il a mis un poinçon. Et c'est pour ça que c'est vrai que moi, quelquefois, j'ai entendu dire des chrétiens, je parle de chrétiens, je ne parle pas d'un croyant, je parle de chrétiens qui disaient, ouais, la foi, de toute façon, ce n'est pas logique, il faut croire, il faut arrêter de réfléchir. Moi, des fois, parce que j'aime bien réfléchir, on m'a dit, tu réfléchis trop. Et au fond de moi, je me disais, c'est pas juste de dire ça. Oui, il y a une partie dans la foi qui est irrationnelle. Parce que c'est irrationnel de croire que Jésus a été crucifié pour nous, qu'il est mort, qu'il a pris nos péchés. Tout ça, c'est spirituel, c'est pas rationnel. Mais il y a aussi une partie de rationnel et il y a aussi une partie de profondément logique dans la foi. C'est pas juste des choses illogiques. Oui, il y a une partie de spirituel et ça demande une révélation du Saint-Esprit, mais il y a aussi quelque chose que et c'est sur ce terrain-là souvent que on peut discuter avec ceux qui sont autour de nous parce que il leur faut une révélation spirituelle. Mais si on n'a pas d'argument quand ils nous disent oui, le monde s'est fait tout seul et ceci et cela qui nous sort tout, ben on est un peu bloqué. On est un peu bloqué et quelquefois ça fait un petit peu tilt au bout d'un moment parce qu'ils se disent oui, effectivement, il y a quelque chose. Je vais vous parler aussi de des prophéties à propos de Jésus. Et ça, il y a un nombre de prophéties, à peu près 300 prophéties concernent la venue de Jésus et son retour. Donc c'est, vous avez vu, quasiment la moitié. Ça a une importance énorme. Dans le Nouveau Testament, on en parle. Dans l'Ancien Testament, on en parle. Et Jésus, il nous a parlé de l'avenir. Alors, prophétie concernant Jésus. Il y a 4000 ans, lorsque Adam et Ève, ils ont eu un problème, vous savez, dans le jardin, et qu'ils ont mangé du fruit, qu'ils ont désobéi à Dieu, etc. Dieu a donné une promesse à Ève. Il lui a dit, dans ta descendance, ta descendance va écraser l'ennemi. Et ça, c'est la prophétie, la première prophétie du Messie. 1900 ans avant Jésus-Christ, à Abraham, toutes les nations seront bénies dans ta postérité. J'établirai mon alliance avec Isaac. Alors ça, je peux vous donner les versets, hein. Les versets de la prophétie et les versets de l'accomplissement, mais sinon, ça serait trop long si je vous donnais toutes les références. Ça va vous prendre la tête comme ça. 1750 ans, il y a eu cette promesse qui a été faite à Jacob aussi, etc. Il sortira de la tribu de Juda. Et puis, à Moïse, Dieu a fait une promesse. De leur frère, il y aura un prophète comme toi. Il a dit ça à Moïse. Ce sera un descendant du roi David. Il sera appelé fils de Dieu. Il aura un caractère parfaitement équilibré. Il sera rejeté par Israël. Ça aussi, c'était prophétisé et c'est arrivé. Il sera trahi par un ami. Il sera accusé par de faux témoins. Il sera crucifié. On parle dans le psaume 22 de la crucifixion alors que ça n'existait pas. C'est David qui a écrit ce psaume. Ça n'existait pas, la crucifixion, à l'époque où il a écrit ce psaume. Et il l'a décrit avec une précision incroyable. Il a décrit les douleurs du crucifié, il a décrit des choses qu'il ne pouvait pas connaître. Ses vêtements seront partagés. Il souffrira de la soif, on lui donnera du vinaigre, on se moquera de lui. Dieu lui-même ne pourra plus supporter, il va se détourner, il va pas pouvoir voir le spectacle. Pas parce qu'il n'aime pas Jésus, mais parce que son cœur est brisé. Aucun des os de Jésus ne sera brisé. Dieu le ressuscitera des morts. Jésus reviendra après sa résurrection, il remontera au ciel. Il sera appelé hors d'Égypte. Ça, c'est quand il est né que Joseph a dû le cacher. Ils ont dû aller se cacher en Égypte parce qu'on voulait tuer Jésus. Il remontera au ciel. Il naîtra dans la ville de Bethléem. Il naîtra d'une jeune fille vierge. Il sera appelé Dieu avec nous, il fera des miracles. Il sera un objet d'ignominie, tout le monde aura peur de lui. Son visage sera défiguré, il sera connu et aimé dans le monde entier. La majorité vont le rejeter, il sera méprisé. Il se livrera lui-même à la mort, il affrontera les souffrances calmement. Il sera mis au nombre des malfaiteurs, il sera lui-même sans péché. etc., etc. Il sera enterré avec un riche. Des enfants seront massacrés quand il va naître. Ce sera un homme juste. Il sera vendu pour 30 pièces d'argent, etc. Toutes ces prophéties ont été données. Ce qui fait que même si Jésus était un imposteur qui connaissait très bien les Écritures et qui aurait dit « Bon, alors moi, je vais faire croire à tout le monde que je suis le Messie, donc je vais faire toutes sortes de choses pour qu'on me suive, etc. » C'était peut-être, ça aurait pu être un beau parleur, mais même s'il avait voulu comme se suicider en disant « Je vais mourir comme ça, je vais accomplir parfaitement les prophéties », il ne pouvait pas maîtriser toutes les circonstances qu'on voit. Il ne pouvait pas faire qu'on va tirer au sort ses vêtements, qu'on va le mettre avec le riche, etc. C'est absolument impossible. Il y aura un précurseur. Il y avait l'annonce de Jean-Baptiste. Ses disciples l'abandonneront. Il sera percé par les habitants de Jérusalem, etc. Je voulais juste qu'on voit le dernier verset qui résume tout ça. L'Éternel Dieu a dit « J'annonce dès le commandement ce qui doit arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » C'est Dieu qui parle. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Si Dieu dit ça, c'est qu'il va le faire. On peut lui faire confiance qu'il va le faire. Je pourrais vous donner la liste des prophéties, je l'ai, mais peu importe. Mais c'est pour vous dire qu'il y a une telle précision qu'on sait que c'est la signature visible de Dieu pour nous. La deuxième partie que je voulais aborder, c'est la science dans la Bible. Alors, la Bible n'est pas un livre de science, mais il y a des notions scientifiques et des choses extraordinaires. Par exemple, en astronomie, géologie, géographie et médecine, la Terre est suspendue dans l'espace. Job, je crois que c'est le plus vieux ou un des plus vieux livres de la Bible, a écrit ça. « Celui qui déploie le nord sur le vide et qui suspend la Terre dans le vide. » Il parle de la Terre qui est dans l'espace. Pour comparer, il y a 3500 ans que ça a été écrit. À la même époque, dans la cosmogonie chinoise, c'est-à-dire l'étude des astres chinois, on pensait que le monde était soutenu par des éléphants qui eux-mêmes étaient montés sur le dos d'une tortue. Voilà comment on concevait le monde. Parce qu'ils pensaient que quand il y avait des tremblements de terre, c'est parce que les éléphants bougeaient. Voilà. Les gréco-romains, eux, ils voient le monde sur le dos d'un homme qui s'appelle Atlas et qui porte le monde parce que sinon le monde tombe. Les Sumériens, eux, ils pensent qu'il y a un gros océan qui entoure la Terre. Job, il a des connaissances astronomiques inédites. C'est-à-dire qu'il faut attendre 1867, donc 1500 plus 1867, je vous laisse faire le calcul, hein, ça fait 3000 et quelques années. Un peu 3200, 300, hein, que là, bon, je laisserai faire les spécialistes du calcul mental. Il faut attendre 1867 après Jésus-Christ pour découvrir que c'est Newton qui va découvrir que la Terre flotte dans l'espace et qui va démontrer la gravitation universelle. Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est que des fois, quand on entend des légendes chinoises ou Inca, ou je ne sais pas, qui donne des explications à l'origine du monde, on trouve ça super poétique. Moi, je suis instite, alors on trouve plein de lectures qui parlent de ça, hein, dans les livres de lecture, qui parlent de légendes, etc. Oh, c'est poétique, c'est beau. Et puis, quand la Bible dit quelque chose, on va se moquer, alors que la Bible n'a jamais dit d'énormité pareille. Alors, c'est peut-être poétique, mais ce n'est pas scientifique. La Terre, elle n'est pas montée sur le dos des éléphants. Le Soleil aussi, il a une révolution. Psaume 19, ça va faire rire les gens pendant très longtemps. Le Soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa course avec la joie d'un héros. D'ailleurs, pendant longtemps, il a mal été interprété. Et c'est pour ça que l'Église catholique de l'époque avait fait un procès à Galilée en lui disant « On va te brûler si tu dis pas que si t'arrêtes pas de dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. » Et vous vous rappelez de ce qu'il a dit en sortant du procès. le pauvre Galilée, et pourtant elle tourne, il était un peu perturbé, mais il avait trouvé la vérité. Et pendant longtemps, on s'est moqué en disant « mais enfin, c'est pas le soleil qui tourne, etc. » Alors, on peut prendre ça de point de vue poétique, parce que quand on est sur Terre, on a l'impression que c'est le soleil qui tourne. Mais en fait, au XXe siècle, il y a un monsieur qui s'appelle Bertil Lindblad, on dirait un nom de Ikea, a prouvé que le soleil tourne autour du centre d'une galaxie à une vitesse de 250 km par seconde. Oh, je ne le savais même pas, moi. Le soleil, donc, il n'est pas fixe. Bah alors, notre Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil lui-même n'est pas fixe dans la galaxie. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le cycle de l'eau. J'ai sauté un truc, non ? Oui, le cycle de l'eau. Je ne sais pas si j'ai mis le verset. Non, je ne l'ai pas mis. Job, toujours lui. Alors lui, il a eu une sacrée révélation. Il a dit que c'est lui qui attire les gouttelettes d'eau, les distille en pluie et en fait de la brume qui retombera en pluie. Les nuées se répandent et elles la déversent en trombe sur les hommes. Qui prétendrait comprendre l'expansion des nuages et les coups de tonnerre qui retentissent dans sa tente, etc. etc. Ce verset parle du cycle de l'eau. Et vous savez que le cycle de l'eau, il a fallu attendre le 16e et le 17e siècle pour que un certain Mariotte et un autre Perrault, c'est le frère de Charles Perrault, celui qui écrivait des contes, ils découvrent le cycle de l'eau. Et ils ont fait des mesures à Bar-sur-Seine. Bar-sur-Seine, c'est pas loin de Troyes. C'est là où il y avait mon inspecteur, d'ailleurs. Et ils ont fait des mesures et ils ont compris qu'en fait, l'eau, elle participait à un cycle. Elle s'évaporait, elle revenait sur Terre, etc. Et c'était pas, on pensait que l'eau, elle était toujours là et qu'elle était créée. Enfin, c'était un peu magique, les croyances de l'époque. Mais Job, il l'avait déjà découvert. Il est question aussi d'un océan souterrain. Ah ben, c'est celui d'avant, le verset, du coup. Non, c'est pas celui-là. Bon, je les ai mélangés un peu, c'est pas grave. Dans la Genèse, il est question d'eau souterraine, quand il y a eu le déluge, qui ont jailli et qui ont provoqué une partie du déluge, parce qu'il y a des eaux qui sont venues d'en haut et d'autres d'en bas. Et ça, pendant longtemps, on a bien rigolé en disant « c'est n'importe quoi, la Bible raconte n'importe quoi ». Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que sous une couche de roche à plus de 700 km de profondeur, il y a de l'eau. Il y a comme un océan souterrain qui est là. Et c'est prouvé, on le sait. Et ça a permis aux scientifiques de faire beaucoup de découvertes pour l'origine de la vie sur la Terre. Alors, autre chose au niveau des sciences, je vais vous parler de la circoncision et de la découverte des microbes. La circoncision, elle est pratiquée depuis très longtemps. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 600 millions d'hommes qui sont circoncis dans le monde. Elle est recommandée par l'OMS comme étant un facteur qui réduit les risques de sida et aussi de maladies sexuellement transmissibles et aussi de cancer du col de l'utérus chez les femmes. Alors, la circoncision, ce n'est pas une mutilation, comme on peut... Une fois, vous savez, moi, je suis dans un domaine où ce n'est pas vraiment la foi. En général, l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient. Et j'avais un directeur qui était anti-Dieu et qui m'a dit « Ouais, la circoncision, c'est une mutilation, c'est comme l'excision. » Oh, j'ai dit « Hop, hop, hop, hop, doucement. L'excision, ce n'est pas pareil que la circoncision. L'excision, c'est une mutilation. D'ailleurs, il y a des petites filles, plein de petites filles qui meurent suite à l'excision, et c'est une mutilation terrible parce que on sait les conséquences que ça a sur la sexualité et même sur la santé des femmes qui peuvent être très très graves. Tandis que la circoncision, alors je ne dis pas que c'est une partie de plaisir pour les petits garçons, c'est sûr, mais il y a des valeurs, ce n'est pas une mutilation et il y a aussi des valeurs au niveau de la propreté. Et le plus extraordinaire, c'est que dans la Bible, un nouveau-né, c'était dans la loi de Moïse, devait être circoncis le 8e jour. Pas le 6e, pas le 10e, pas le 15e, le 8e. Aujourd'hui, je pourrais vous passer un film, mais je n'ai pas le temps de le mettre, les scientifiques ont découvert que ce 8e jour, il est vraiment spécial chez les bébés. Entre le 2e et le 5e jour, il y a souvent un déficit, il y a une tendance à saigner qui est assez forte chez les bébés. Et parallèlement, il y a un déficit de vitamine K, ce qui fait qu'ils peuvent saigner plus facilement. Et puis, il y a une hormone, hein, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle, c'est une protéine, qui s'appelle la prothrombine et qui, elle, va monter depuis la naissance et va atteindre son sommet le 8e jour. C'est-à-dire que le 8e jour, c'est le jour le meilleur pour faire la circoncision. C'est le moment où le bébé aura tendance à moins saigner et où il pourra cicatriser le plus vite parce que son taux de prothrombine il va être très très, très haut. Et donc, toutes les conditions sont réunies pour cet acte chirurgical. C'est un acte chirurgical. Ensuite, la découverte des microbes. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a découvert les microbes ? Qui c'est qui a découvert les microbes ? Louis Pasteur. Dans la foire au cancre, il y en a un qui a écrit qu'il avait inventé les microbes et que c'était un bienfaiteur de l'humanité. Mais il ne les a pas inventés, il les a découverts. Or, les microbes, jusqu'à récemment, on ne savait même pas que ça existait. Et vous connaissez peut-être l'histoire de ce fameux médecin qui travaillait dans une clinique d'accouchement, dans une maternité, et il y avait des femmes qui mouraient, qui mouraient, qui mouraient, ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, il y avait les médecins qui faisaient les accouchements, ils étaient à côté, ils disséquaient des cadavres, ils faisaient des autopsies, voilà. Et quand ils étaient tout d'un coup appelés pour un accouchement, ils arrivaient en courant, ils ne se lavaient pas les mains et hop, ils accouchaient les femmes. Et alors, on ne comprenait pas pourquoi, il y en avait plein qui mouraient. Et il y a un médecin qui a eu l'idée de se dire, peut-être qu'il faudrait qu'on se lave les mains. Et donc, il a commencé à dire, il s'est lavé les mains, il a commencé à mettre des principes d'asepsie en disant, il y a peut-être une relation de cause à effet. Et là, le taux de mortalité des femmes a chuté de façon... spectaculaire. Donc il s'est dit oui, j'ai raison. Et il a eu des embêtements, je vous dis même pas. On voulait le rayer de l'ordre des médecins, on lui a fait des menaces, et tu dis n'importe quoi, etc. Et puis, peu de temps après, on a découvert qu'il avait bien raison. Or, la Bible disait depuis très longtemps, Moïse l'a dit, quand tu touches un mort, après, t'es impur, tu vas te laver. Tu dois te laver, tu ne dois pas revenir dans le camp, tu ne dois pas revenir à ta vie normale, tu dois rester... La personne, c'est pas grave, ça peut arriver qu'on touche un mort, parce qu'il y avait un mort dans sa famille, etc. Mais on devait se mettre à part, se purifier. Et si, rien que ça, on l'avait suivi, toutes ces femmes ne seraient pas mortes. Et c'était pareil pour les épidémies de lèpre. On sait qu'au Moyen-Âge, il y avait des épidémies en Europe, et que quand les chrétiens de l'époque sont allés, parce qu'ils ne connaissaient pas trop souvent la Bible, ils sont allés parler avec des juifs, et les juifs leur ont dit « Oh là là, mais nous, ça fait longtemps qu'on sait que les lépreux, il faut les mettre à part. Il ne faut pas les mélanger avec les gens qui ne sont pas malades, sinon ils vont leur passer la maladie. » Alors on a commencé à faire ça, et hop, l'épidémie de lèpre, elle a chuté. Et c'est des choses qui étaient écrites depuis longtemps. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Alors, il y a plein de scientifiques qui parlent de Dieu. Nicolas Copernic, Dieu est bon et il a créé un univers ordonné pour nous. Newton, Louis Pasteur, celui qui a découvert les microbes. Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène. Albert Einstein, ça c'est plus près de nous. Je n'arrive pas à concevoir un scientifique dépourvu d'une foi profonde. Ceci pourrait être formulé de la façon suivante. Il est impossible de croire à une science sans religion. Et Anthony Flew, il est mort en 2010, donc il n'y a pas longtemps, c'est un des plus grands philosophes athées de ce siècle. Il a choisi l'athéisme à l'âge de 15 ans, et à l'âge de 81 ans, il annonçait avec regret « Comme les gens ont certainement été influencés par moi, je veux essayer de corriger les énormes dommages que j'ai dû occasionner. » Parce qu'entre-temps, il a découvert la foi et il a compris que le monde ne pouvait pas s'être fait tout seul. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il avait changé d'avis. Les recherches des biologistes sur l'ADN ont montré, par la complexité presque inconcevable, des arrangements nécessaires pour produire la vie, qu'une intelligence devait nécessairement être impliquée. Alors, je pourrais vous citer des tas d'autres de scientifiques, mais je voulais juste vous parler de ce verset dans Ésaïe, au chapitre 29, verset 18. Tu peux me mettre le slide suivant ? Non, ça c'est les citations. Je vais vous le lire. « Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et seront délivrés de l'obscurité des ténèbres. Les yeux des aveugles verront. » Ça c'est Ésaïe, chapitre 29, 18. Et je crois que la Bible, la parole de Dieu, elle nous libère. Elle n'est pas là pour nous mettre des chaînes, pour nous rendre stupides, nous mettre des œillères. Elle est là pour nous libérer des mensonges de l'ennemi. Je voulais juste qu'on regarde, je ne sais pas quelle heure il est. que regarde quelques minutes d'un film que j'ai trouvé sur Internet. Après, on prendra le temps de prier, et qui s'appelle « La fin du hasard ». On a parlé de hasard pendant longtemps, et aujourd'hui, on sait, même des grandes revues scientifiques comme Science et Vie ou Science et Avenir, disent que c'est sûr, il y a une intelligence créatrice. Alors, on ne va pas dire que c'est Dieu, parce qu'on reste cartésien, français, et puis c'est peut-être pas le rôle des scientifiques non plus, mais en tout cas, il y a quelque chose, c'est impossible que le monde soit fait tout seul. Alors, je voulais juste qu'on regarde... Quand vous courez le risque, à un moment, d'être vrai, vous permettez aux autres de l'être. Question, d'où est-ce que tout cela vient ? Ça déclenche ce qu'on appelle le Big Bang. Mais d'où vient le Big Bang ? Lorsque nous avons posé cette question en 91, personne, pas un des scientifiques, on en a interrogé des dizaines, même des centaines, pas seulement en France, pas seulement en Europe, dans le monde entier, pas un de ces scientifiques ne nous a répondu. On nous a même dit, cette question est absurde. Comme on le sait, des fois, quand on a la vérité en face des yeux, mais qu'elle est inacceptable, alors on se cherche mille et une raisons pour ne pas voir la vérité. C'est quoi, c'est tabou, c'est tabou ou c'est parce qu'à l'avance, on imagine ne rien trouver? Parce que ça fait partie de la liste des questions dites interdites. Il y a un immense torrent d'énergie qui se déverse dans le vide, qui se déverse dans le néant au moment du Big Bang. Mais d'où vient cette énergie? C'est la première question. Comment ça peut sortir du hasard? Ce fameux mot qui est censé tout expliquer. Alors c'est tellement plus simple de dire qu'une volonté et une intelligence organisées, là pour pas Dieu, ça fait peur à tout le monde, peu importe. Mais c'est tellement plus simple de dire qu'une volonté et une intelligence organisées a voulu ce qui existe. Ça dérange qui ? Brusquement, j'ai vu que c'était possible de faire surgir la vérité dans un pays. Ça a un coût, on se fait engueuler, on se fait frapper, c'est très dur. Mais en même temps, c'est ce qui revitalise à la fois sa propre famille, et c'est ce qui revitalise une société. La question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Il n'y a rien de plus réglé en fait que le Big Bang. Ça paraît extraordinaire de dire ça. Cependant, rien n'est laissé au hasard à l'échelle du Big Bang. Rien. Cette énergie qui se déclenche dans ce vide primordial, elle se déclenche de manière incroyablement ordonnée. Au moment du Big Bang, tout est réglé. Et ce réglage, évidemment, exclut le hasard. C'est absolument certain. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une conséquence d'un événement qui n'était absolument pas hasardeux. Aujourd'hui, j'aime sauter dans le vrai. J'adore ça. J'aime ce qui se passe pour de vrai. Le hasard n'est pas quelque chose qui surgit comme ça pour désorganiser votre vie. En fait, le hasard, on peut s'en rendre d'abord d'un certain point de vue complice, mais au-delà de ça, on peut jouer avec lui et puis on peut parler son langage. On a aujourd'hui, depuis fort longtemps, prouvé, par des calculs scientifiques, que la probabilité pour qu'un monde aussi organisé que le nôtre puisse apparaître d'une manière à ce point organisée et presque parfaite, car il n'y a que le bon Dieu qui est parfait, que ça puisse apparaître comme ça, même avec des années et des années et des années, comme seule conséquence de la rencontre au hasard de deux cellules qui se sont rencontrées, la probabilité pour qu'un monde aussi parfait sorte de ça est de l'ordre de mettre un singe devant un piano et qu'il se mette tout d'un coup à composer la 5e symphonie de Beethoven. C'est possible! Sur le plan purement mathématique, c'est possible! Car tant qu'il existe une possibilité sur des milliards, c'est possible. Mais c'est de l'ordre de l'improbable. C'est du même type. Parce que comment l'organisation à ce point suprême, et on en est encore qu'au début du début du début du début de l'ombre de l'ombre de l'ombre de savoir tout ce qu'on ne sait pas encore. Les hommes ont longtemps appelé hasard ce qui échappait en fait à leur compréhension. Voilà. Bien sûr, c'est tout à fait ça. Ouais. Quand on va dans un champ de... On en parle ici, dans un champ de... prairie ou un champ de blé ou autre, et qu'on voit des fleurs. Les fleurs ont toutes 5, 8 ou 13 pétales, mais jamais 10 ou 11 pétales. Jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi mathématique qui distribue, qu'on appelle la loi de Fibonacci, et qui distribue le nombre de pétales dans les fleurs. Le hasard ne serait pas hors la loi, qu'il y a des lois du hasard. Et c'est ce que disent finalement les mathématiciens. Quand par exemple un mathématicien immense, membre de l'Académie des sciences, qui s'appelle Émile Borel, dit « le hasard, ce sont les lois que nous ne connaissons pas », il dit exactement ça. Il dit qu'il y a des lois du hasard. De même qu'un être humain a un code ADN, eh bien il y a un code cosmologique qui a régi tout ça. Voilà. Et ce code cosmologique, ne peut pas être le fruit du hasard. Mais non, c'est exactement ce que nous disons. On se rapproche du Dieu tel que le voit Einstein. Einstein, comment il le voit ? Il le voit comme une sorte de système de loi qui permet d'expliquer le fonctionnement de l'univers. Quand Einstein dit « tout est déterminé pour l'insecte comme pour l'étoile, et tout est déterminé par des forces que nous ne comprenons pas », et il ajoute ceci qui est quand même très troublant, il dit « êtres humains, insectes ou poussière d'étoiles, nous dansons tous au rythme d'un joueur de flûte invisible. » Alors, le joueur de flûte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les lois qui gouvernent l'univers. Plus on avance, et plus la science, et je suis même suffisamment en contact avec des hommes de science, étant un passionné de science, pour savoir que ce que je dis est fondé, plus on avance, et plus voilà, la vraie science... C'est pas compliqué de trouver le lien sur Google, vous tapez... c'est rencontredieu.com. Alors, c'est un site où il y a plein de films très intéressants. et qui, je pense que même pour, dans vos discussions autour de vous, etc., comme on connaît la mentalité française et l'esprit cartésien et à vouloir, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment parler au cœur de nos contemporains, de nos concitoyens, parce que ça parle leur langage, ça va sur leur terrain. Parce qu'on ne peut pas parler aux gens qui sont autour de nous en les convainquant, en leur disant « Oui, la Bible est la vérité parce que tel verset dit ceci. » Pour eux, ça ne veut rien dire. Mais si on parle un langage qu'ils peuvent comprendre, là, ça peut les intéresser. Alors, c'est déjà intéressant pour nous, pour notre propre foi, parce que ça nourrit notre foi, mais c'est aussi intéressant pour les gens qui sont autour de nous, parce que ça nous donne des outils aussi pour parler avec eux, pas pour essayer de les convaincre et de les bassiner à coups de versets, mais pour leur montrer qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. Et je crois que si Dieu nous donne un certain nombre d'années sur cette terre, c'est parce qu'il veut laisser à chacun la possibilité de se tourner vers lui. Dieu n'est pas injuste. Il est profondément juste. Et il n'y a pas que dans les églises qu'on a l'occasion de parler de Dieu. Il suffit de sortir dans la nature. Il suffit d'ouvrir son cœur. Dieu parle de toutes sortes de façons. Et je crois que tout être humain, Dieu parle à son cœur, d'une façon ou d'une autre. Et après, on peut choisir de le rejeter, mais je crois que Dieu se sert de chacun d'entre nous aussi pour porter la lumière, parce que, vous savez, une lumière, elle n'a pas besoin de se concentrer, elle brille. Et Einstein a dit, « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront un jour par comprendre qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Personne n'est là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard, je ne suis pas là par hasard. Et ceux qui sont autour de nous, ne sont pas là par hasard. On est libre de croire ou de ne pas croire. Vous savez, comment il s'appelle ? C'est Pascal, c'est le philosophe Pascal, a dit, parce que lui, il a découvert la foi. Une nuit, il a vraiment découvert la foi, il a découvert Dieu. C'était un homme de foi, c'était un philosophe de foi. Et il a dit... Mais il y a deux possibilités, soit Dieu existe, soit il n'existe pas. S'il n'existe pas et que je n'y crois pas, ça ne change rien pour moi. S'il n'existe pas et que j'y crois, il n'y a pas beaucoup de conséquences non plus. S'il existe et que j'y crois, je vais tout gagner. S'il existe et que je n'y crois pas, je vais tout perdre. Donc la conclusion qu'il disait, c'est que si je crois en Dieu... J'ai plus de chances de gagner que si je n'y crois pas. Il y a beaucoup plus de risques. Et c'est un raisonnement, évidemment, logique, etc. Mais je crois que ça résume aussi l'enjeu qui est devant nous. Dieu a dit « Je prendrai une forme humaine ». Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour. Et il ne nous a pas laissés tout seuls. Il est venu, il a vécu comme nous. Il a vécu les mêmes choses que nous. Si on veut savoir à quoi ressemble Dieu, il suffit de regarder Jésus. Jésus-Christ, il est venu non pas nous donner des nouvelles lois et des nouvelles règles religieuses, mais nous enseigner à vivre et à être transformés. Et je crois qu'ici, à transformation, on sait ce que c'est c'est l'objectif de cette Église, c'est la transformation. La vie, le christianisme, ce n'est pas un système religieux. C'est la transformation et le changement des cœurs. C'est ça, le christianisme. Et c'est ce que Jésus est venu apporter. Je voudrais vraiment qu'on se lève. Et puis qu'on vienne vers Jésus, je vais demander à Greg de prier. Il suffit de croire à Jésus, il suffit de prendre ce sauveur-là dans notre cœur pour être sauvé. Et nous qui l'avons déjà pris, nous voulons le partager à un maximum de ceux qui sont autour de nous. Alors un jour, on va tous affronter la mort et le jugement de Dieu, puisqu'il y a un jour, il y aura un jugement. Et jugement, ça ne veut pas dire forcément punition, ça veut dire aussi consolation. Ça veut dire aussi récompense, ça veut dire aussi joie, ça veut dire bonheur, ça veut dire quelque chose d'extraordinaire. Mais si on n'a pas fait la paix avec Dieu, alors là oui, c'est terrible. Et c'est pour ça que notre bouche ne doit pas rester fermée. Que Dieu nous montre encore cette semaine à qui parler, comment parler, nous donner de l'amour pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et peut-être qu'avec quelques petites touches là de ce qu'on a vu ce matin, priez pour eux aussi et leur amener cette lumière. Amen. Je vous invite à simplement fermer nos yeux. Et je veux juste, j'ai cette parole pour vous. Psaume 32, verset 8. Dieu qui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Je proclame une parole prophétique pour chacun d'entre vous. Ce Dieu qui... C'est grand, hein, tout ce qu'on a pu voir, entendre ce matin sur le plan scientifique, sur le plan des détails de la création, sur les prophéties de Jésus dans les détails. Mais on peut dire, waouh, ouais, c'est la Terre, c'est immense, c'est la galaxie, mais moi dans tout ça. Et il y a cette parole prophétique, toute prophétie, et je crois qu'elle est pour vous, elle est pour toi ce matin. Je le redis, Dieu qui te dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le désir de Dieu, c'est vraiment de s'occuper comme il s'occupait de la création. Il a parlé, il a annoncé des choses bien en avance. Ben, c'est la même chose pour ta vie. Il y a des choses qu'il veut annoncer, il y a des choses qu'il dit sur ta vie. Il connaît le futur de ta vie et il veut t'instruire. Et je prie tout simplement qu'on prenne quelques secondes maintenant pour parler à ce Dieu, qui est à la fois le Dieu de la galaxie, des planètes, du soleil, qui a prophétisé, qui a donné des paroles prophétiques il y a 6000 ans, mais qui donne aussi des paroles prophétiques aujourd'hui, et qui veut t'instruire à toi personnellement. Est-ce que vous avez tous des défis devant vous, des projets, ou juste permettez à Dieu de se mêler de votre vie. Faites lui part de vos besoins, de vos questions. Son désir est de vous instruire, de vous guider, de vous diriger, d'être avec vous dans les défis qui sont les vôtres. Ne relevez pas ces défis seuls, mais accueillez Dieu dans ces défis. Recevez son instruction, ses conseils. Certains sont comme sur une berge et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de pont, que si vous faites un pas, vous allez tomber. Et au fur et à mesure, la foi, c'est marcher dans le vide. Au fur et à mesure que vous marchez dans le vide, le pont apparaît, le pont se construit. Alors Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour les instructions spécifiques que tu nous donnes pour orienter nos vies, pour relever les défis, pour continuer à marcher sur ce chemin de paix et de bonheur que tu as instauré. Seigneur, on ne veut pas relever les défis tout seul, mais le Dieu de la Bible, le Dieu qui a donné des paroles prophétiques 3000 ans, 6000 ans avant que les choses arrivent. Seigneur, on croit que tu peux aussi parler de manière spécifique sur nos vies maintenant et nous instruire professionnellement, relationnellement, spirituellement, affectivement, de tous les détails de notre accueil dans notre vie maintenant. Je vous invite à avoir cette semaine des temps où vous allez noter ce que le Père va vous dire. Si vous voulez recevoir ces instructions, il faut un temps aussi pour écouter ces instructions. Donc engagez-vous peut-être cette semaine. C'est pas le pasteur, c'est pas le psychothérapeute. C'est Dieu dit, je t'instruirai, je te guiderai, je te montrerai la bonne voie et je serai avec toi. Je libère cette parole, Psaume 32, verset 8, sur parole prophétique pour chacun d'entre vous maintenant, au nom de Jésus. Et je prie pour que vous receviez dès cette semaine des tas d'instructions pour vos couples, votre vie amoureuse, votre vie spirituelle, votre vie financière, votre vie spirituelle. C'est que les conseils, les instructions du Père, les paroles prophétiques qui concernent votre futur soient libérées maintenant dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Très bon après-midi à vous, très bon pont à ceux qui vont faire le pont. Dimanche prochain, on est ici et mardi 15 pour l'école APS. Bonne journée à tous.